passion, les sciences et l'émotion. Des mots d'amour sillonnent donc les émotions pour de bon. Délaissant le sens, les sentiments s'émettissent comme la passion ou encore l'amour. Louvons-nous donc dans les allitérations. Je ne conserve.